Selon le journal internet sud-coréen Jeju Sibon, les délégués de diverses organisations sud-coréennes ont tenu le 21 courant à la maison Chundoist à Séoul le Rassemblement national des souverains pour l'établissement du gouvernement démocratique et pacifique et la grande réforme. On y a dressé le bilan des succès obtenus dans les activités de l'Action nationale d'urgence pour le retrait du pouvoir de Park Geun-hye, qui a conduit le mouvement de la révocation de la présidente, et discuté du problème pour présenter aux organisations et citadins de tous les milieux le projet de mesure face aux élections présidentielles de mai et l'orientation des activités pour une nouvelle société après les élections. Les participants ont décidé d'organiser le Rassemblement national des souverains pour la fondation du gouvernement démocratique et pacifique et la grande réforme, nouvelle organisation du mouvement national sur la base des débats livrés largement sur la voie de la Corée du Sud après la chute du pouvoir de Park Geun-hye et d'unir les forces civiles et sociales pour redynamiser les activités pour une nouvelle société, notamment la liquidation de tous les vices et l'institution du gouvernement démocratique et pacifique. Finalement, on y a publié le texte de résolution. Les participants ont décidé de proclamer officiellement la fondation du Rassemblement national des souverains le 1er avril sur la place de Gwanghwamun à Séoul et de mener les activités de masse pour la liquidation de tous les vices, la fondation du gouvernement démocratique et pacifique et l'achèvement de la révolution à l'apogée.